des soirées parisiennes, dans des carrés VIP. Ma robe est toujours italienne, ça paye comme jamais. Jeune femme sexy, élégante, fait tomber les hommes charmants. Se retournent tous pour me voir, ils m'ont tous validé. Mr. DJ fait péter le son pour mes girls, mes homies sur la piste de danse. Pas besoin de courir ni besoin de son. Lève les mains en l'air, fais bouger tes hanches. Mr. DJ fait péter le son pour mes girls, mes homies sur la piste de danse. Pas besoin de courir ni besoin de son. Lève les mains en l'air, fais bouger tes hanches. J'suis bien dans mon élément, suis-moi. Ce soir je suis la cadence, crois-moi. J'suis ailleurs, laissez-moi. J'vais planer toute la night. J'suis bien dans mon élément, suis-moi. Ce soir je suis la cadence, crois-moi. J'suis ailleurs, laissez-moi. J'vais planer toute la night. Toute la night. Toute la night. Hey yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Toute la night. Toute la night. Toute la night. Yeah, yeah. Boum, boum, boum, j'ai des ailes. Boum, boum, boum, je suis con. Et si tu bougeais au son de ma voix, que tu m'étonnais, oui, à chaque fois. Le feeling est bon, tout passe. La chimie est bonne en soi. C'est comme si je n'étais plus moi. Que tout prenait sur moi. Complètement hypnotisé, complètement manipulé. Il faut que je me démène, il faut que je me dépêche. Mr. DJ fait péter le son pour mes girls, mes homies sur la piste de danse. Pas besoin de courir ni besoin de son. Lève les mains en l'air, fais bouger tes hanches. J'suis bien dans mon élément, suis-moi. Ce soir je suis la cadence, crois-moi. J'suis ailleurs, laissez-moi. J'vais planer toute la night. J'suis bien dans mon élément, suis-moi. Ce soir je suis la cadence, crois-moi. J'suis ailleurs, laissez-moi. J'vais planer toute la night. Toute la night. Toute la night. Hey yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Toute la night. Toute la night. Yeah, yeah. Ce soir je suis de sortie, j'ai un peu plus, j'vais rien savoir. Des canapés notaines, moi j'ai pas peur des regards. Négro qui te colle, accoutrement plutôt correct. La gadji elle me plaît, je vais la couper claire et nette. Elle fait bon le zer même dans les coins luxueux. Je te plais, me le dis pas, je le vois déjà dans tes beaux yeux. Me dis pas le contraire, miss, ne me mens pas. Les manos qui sont à tes pieds ne sont pas comme moi. J'ai pas d'orgueil, j'ai juste confiance en moi. J'ai pas peur de tomber, j'ai pas peur du premier pas. Mais pourquoi quand je te cause, tu te mets en retrait? Si t'es déjà pris, je vais tout faire disjoncter. Qui t'a piqué, qui t'a marabouté? Je serai le loup-garou qui mangera le sorcier. Mais bon, je vais pas forcer. On se retrouvera à la fin de la soirée. J'suis bien dans mon élément, suis-moi. Ce soir je suis la cadence, crois-moi. J'suis ailleurs, laissez-moi. J'vais planer toute la night. J'suis bien dans mon élément, suis-moi. Ce soir je suis la cadence, crois-moi. J'suis ailleurs, laissez-moi. J'vais planer toute la night. Toute la night. Toute la night. Hey yeah, yeah, yeah, yeah. Toute la night. Toute la night. Toute la night. Yeah, yeah. On m'a bouffé de la magie. Tu rendras des comptes si tu t'agites. Mais je comprends pas comment bouger comme ça, ah déjà si jeune. Mon marabout fait de la magie. Tu rendras des comptes si tu t'agites. Mais je comprends pas comment on peut bouger comme ça, ah déjà si jeune. Je suis bien dans mon élément, suis-moi. Ce soir je suis la cadence, crois-moi. Je suis ailleurs, laissez-moi. Je vais planer toute la night. Je suis bien dans mon élément, suis-moi. Ce soir je suis la cadence, crois-moi. Je suis ailleurs, laissez-moi. Je vais planer toute la night.